Deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. Manassé était âgé de 12 ans quand il commença à régner, et il régna 55 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, selon les abominations des nations, que l'Éternel avait chassées de devant les enfants d'Israël. Car il rebâtit les hauts lieux, qu'Ézéchia son père avait démolis, et redressait les autels des Baalins, et fit des bocages, et se prosterna devant toute l'armée des cieux, et les servit. Il bâtit aussi des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « Mon nom sera dans Jérusalem à jamais. » Il bâtit, dis-je, des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils d'Hinnon, et il prédisait le temps, et usait de prédictions et de sortilèges, et il dressa un oracle d'esprit de Python, et eut des 10 heures de bonne aventure, en un mot, il s'adonna extrêmement à faire, ce qui déplaît à l'Éternel pour l'irriter. Il posa aussi une image taillée, qu'il avait faite pour une représentation en la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « Je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison, et dans Jérusalem, que j'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël. Et je ne ferai plus sortir Israël de la terre que j'ai assignée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à faire, tout ce que je leur ai commandé par le moyen de Moïse, c'est-à-dire toute la loi, et les statuts, et les ordonnances. » Manassé donc fit égarer Juda, et les habitants de Jérusalem, jusqu'à faire pis que les nations que l'Éternel, avait exterminées de devant les enfants d'Israël. Et l'Éternel parla à Manassé, et à son peuple, mais ils n'y voulurent point entendre. C'est pourquoi l'Éternel fit venir contre eux les capitaines de l'armée du roi des Assyriens, qui prirent Manassé dans des alliés, et le lièrent de double chaîne des reins, et l'emmenèrent à Babylone. Et dès qu'il fut en angoisse, il supplia l'Éternel son Dieu, et s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa donc ses supplications, et Dieu fléchit par ses prières, exauça sa supplication, et le fit retourner à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est celui qui est Dieu. Après cela il bâtit la muraille de dehors pour la cité de David vers l'occident de Guion, dans la vallée, et jusqu'à l'entrée de la porte des poissons, et il l'environna Ophel, et l'éleva beaucoup, puis il établit des capitaines de l'armée dans toutes les villes fortes de Juda. Et il ôta de la maison de l'Éternel l'idole, et les dieux des étrangers, et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel, et à Jérusalem, et les jeta hors de la ville. Puis il rebâtit l'autel de l'Éternel, et y sacrifia des sacrifices de prospérité, et de louange, et il commanda à Juda de servir l'Éternel le Dieu d'Israël. Toutefois le peuple sacrifiait encore dans les hauts lieux, mais c'était seulement à l'Éternel leur Dieu. Le reste des faits de Manassé, et la prière qu'il fit à son Dieu, et les paroles des voyants qui lui parlaient au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël, voilà, toutes ces choses sont écrites parmi les actions des rois d'Israël. Et sa prière, et comment Dieu fut fléchi par ses prières, tout son péché, et son crime, et les places dans lesquelles il bâtit des hauts lieux, et dressa des bocages, et des images taillées, avant qu'il se fût humilié, voilà, toutes ces choses sont écrites dans les paroles des voyants. Puis Manassé s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit dans sa maison, et Amon son fils régna en sa place. Amon était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et il régna 2 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avait fait Manassé son père, car Amon sacrifia à toutes les images taillées, que Manassé son père avait faites, et les servit. Mais il ne s'humilia point devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé son père, mais se rendit coupable de plus en plus. Et ses serviteurs ayant fait une conspiration contre lui, le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit pour roi en sa place Josias son fils.